Audio complémentaire au kakémono, la pauvreté monétaire, partie émergée de l'iceberg. Quand on parle de pauvreté, dans les médias ou dans les débats politiques, il s'agit le plus souvent de la pauvreté dite monétaire. En France, une personne est sous le seuil de pauvreté monétaire si elle vit avec moins de 60% du niveau de vie médian dont dispose la moitié de la population. Selon ce critère, les personnes qui déclarent être limitées dans leurs activités quotidiennes, en lien avec un problème de santé, qu'on va appeler les personnes handicapées, sont plus pauvres que la moyenne. Par exemple, environ un quart des adultes ayant de fortes limitations sont sous le seuil de pauvreté. C'est deux fois plus que la population sans limitation. Et encore, on ne tient pas compte des personnes handicapées qui vivent dans des institutions médico-sociales, que les enquêtes sur la pauvreté n'interrogent pas. Sans cela, le chiffre serait probablement encore plus élevé. Cette statistique nous apprend que les personnes handicapées sont surexposées à la pauvreté. Pourtant, cette approche ne suffit pas. Elle ne reflète pas certaines difficultés concrètes que les personnes peuvent rencontrer. L'enquête, statistique sur les ressources et conditions de vie, permet de mettre en évidence d'autres dimensions de la pauvreté, en se focalisant sur les personnes de 25 à 59 ans qui vivent en ménage. Les analyses portent sur la période 2015 à 2019. Pour montrer les limites de la pauvreté monétaire, prenons un premier exemple. La possibilité de réaliser de petites dépenses chaque semaine sans avoir à consulter les autres membres du ménage. C'est le sujet du premier graphique du kakémono, des dépenses personnelles sous contrainte. Environ 15% des personnes sans limitation, les personnes dites « valides », indiquent qu'il ne leur est pas possible de réaliser de petites dépenses chaque semaine sans avoir à demander aux autres membres du ménage. C'est le cas de 27% des personnes avec des limitations modérées et de 37% des personnes avec des limitations fortes. Dans tous les groupes, les personnes qui ne peuvent pas faire ces dépenses indiquent le plus souvent que c'est parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Mais, quand ce sont des personnes avec des limitations fortes, environ 1 sur 6 indique que c'est à cause d'autres raisons. Le questionnaire ne précise pas lesquelles. Mais, cela pourrait être par exemple des problèmes d'accessibilité pour accéder au commerce ou encore des mesures de protection juridique qui font que les personnes ne disposent pas d'argent personnel. Cela montre comment la pauvreté monétaire se combine avec d'autres types d'obstacles. Pour prendre en compte cette limite de la pauvreté monétaire, d'autres indicateurs ont été créés. La « pauvreté en conditions de vie » s'intéresse précisément aux difficultés économiques que les personnes vivent au quotidien. Pouvoir payer ses factures d'électricité, pouvoir partir au moins une semaine en vacances par an, ce genre de choses. Un autre critère, la « très faible intensité de travail » examine la présence d'une activité professionnelle dans les ménages. L'idée, c'est de mettre de côté les étudiants et les retraités et de regarder si, parmi les autres personnes en âge de travailler, il y a au moins une personne qui travaille. Dans le cas des ménages très nombreux, on regarde s'il y a au moins une personne sur cinq. En prenant ces critères-là, ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui sont considérées comme pauvres. C'est le graphique intitulé « Une pauvreté au visage multiple ». Sur ce graphique, chaque cercle montre une forme de pauvreté, représentée par un pictogramme différent. La pauvreté monétaire, la pauvreté en conditions de vie et la très faible intensité de travail. Les croisements entre ces cercles, là où il y a plusieurs pictogrammes, correspondent aux personnes qui cumulent plusieurs formes de pauvreté. L'absence de pauvreté, intitulée « aucun critère de pauvreté », a aussi son propre pictogramme. Dans la population valide, environ une personne sur cinq est concernée par une forme ou une autre de pauvreté. Le plus souvent, c'est la pauvreté monétaire. Mais la pauvreté en conditions de vie est fréquente également. Et une petite fraction, moins de 2%, cumule les trois formes de pauvreté. Parmi les personnes avec des limitations modérées, c'est environ une sur trois qui est concernée par au moins une forme de pauvreté. Là, c'est la pauvreté en conditions de vie qui prédomine, seules ou associées avec d'autres formes de pauvreté. Et elles sont plus de 4% à cumuler les trois formes de pauvreté, soit le double de la population valide. Enfin, parmi les personnes avec des limitations fortes, c'est presque une sur deux qui vit au moins une forme de pauvreté. La pauvreté en conditions de vie est très fréquente, la très faible intensité de travail aussi. Finalement, c'est la pauvreté monétaire qui est la moins courante, alors même que, on l'a vu, elle est deux fois plus élevée que dans la population valide. Et elles sont près de 10% à cumuler les trois critères. Ce que nous apprennent ces chiffres, c'est que la pauvreté est multidimensionnelle et qu'il est important de prendre toutes ces dimensions en compte pour bien saisir les désavantages économiques des personnes handicapées. Même si le taux de pauvreté monétaire donne déjà l'impression de grosses inégalités, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.